Okamoto Gyun Gyun Natsuki to Murano Kidakira Takenori to Hidemitsu Super Zeus ga 12時をお知らせします。 Danger and cut. Ugly sound in the world. Danger and cuts. J'ai rêvé de musique. J'ai rêvé que je poursuivais un lagomorphe couleur de neige jusqu'à un petit temple Shinto enclavé entre deux piliers d'une autoroute suspendue. Juste derrière deux statues de Kitsune, il y avait l'entrée du terrier du lapin. Et au fond, tout au fond, un miroir liquide. Un passage vers un espace infini. La galaxie de ma dimension intérieure, là où dans ce moment, entre le sommeil et l'éveil, quand la réalité n'a pas encore de substance, mes rêves naissent et meurent. J'étais dans ma zone crépusculaire. « Suis-je Alice ?» ai-je demandé. Je serai alors une étrange Alice. Non, tu n'es pas Alice. Tu es Nitrom the Métronome. Salut, c'est Julie Moé, la voix de l'émission. Vous êtes sur Pulsar le soir, comme par hasard. Ce que vous entendez vous semble bizarre, ne touchez à rien. C'est du glitchcore, de la musique d'Ojin, de la musique électronique indépendante japonaise. C'est un hypermix réalisé par Nitrom the Métronome. Parce que nous sommes les faiseuses de musique et que nous sommes les rêveuses de la rêve. Nous sommes l'humanité. Danger and cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Yeah.

Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. moments, you will have an experience which will seem completely real. Danger and cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Thank you. Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. C'était un exemple de jazz hardcore par Camélia. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures. En attendant, toutes les émissions sont disponibles en outcast sur radio-pulsar.org. Bisous. Danger and Cuts. Out.